une histoire particulière. Nous sommes en Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale. Louis Fauxonnet, résistant de la compagnie Valmy, forme la brigade Alsace-Lorraine avec les compagnies Ancel et Birakem. Il évoque sur son blog la journée du 26 juillet 1944, dont il va vous être raconté l'histoire ce week-end. C'est une chaude journée de juillet, le silence est complet dans le camp. Quand tout à coup, nous percevons au lointain un ronflement de moteur, nous reconnaissons la silhouette du lieutenant Roland. Les visites sont rares et pour venir vers nous, il doit avoir un motif sérieux. Derrière lui s'avance un officier du quartier général, François. Ce dernier, sans préambule, expose sa mission. Un train quitte Périgueux ce soir, emportant à Bordeaux la modeste somme de 2 280 millions de francs destinés aux Boches. Le train passe à Neuvic à 6 heures et sous aucun prétexte, cette somme ne doit arriver à destination. Les groupes Roland et Valmy sont chargés de l'opération. Il faut prévoir des possibilités de combat. Le train est peut-être blindé. En tout cas, il est certainement défendu. Le camp est en effervescence. Les hommes courent en tous sens. « Nous allons attaquer un train !» crient avec enthousiasme ceux qui sont de la partie. Voilà le décor planté. Olivier Chaumel et Yvon Croisier vous emmènent tout de suite sur les traces des milliards de Neuvic. Neuvic, 58 minutes d'arrêt. Olivier Chaumel, Anne-Laure Chanel, Yvon Croisier. Premier épisode, le casse du siècle. Nous avions tous soit une mitraillette, soit un fusil, soit des armes automatiques et il y avait même un bazooka. Ça fallait voir un peu, c'était le vrai Far West, hein. Un peu c'était pittoresque, hein. Là c'était le vrai Far West. Nous étions sous les bois, là, sous les châtaigniers, il faisait environ 45 degrés à l'ombre. Nous étions en maillot de corps, on était presque nus. Quand tout d'un coup, nos chefs arrivent, notamment moi, mon chef direct, le caporal Brèche, et se mettre en criant, vite, vite, prenez des armes et des munitions au camion. Eh oui, alors ça s'est passé il y a quand même, ça fait 62 ans, c'était le 26 juillet 1944, ça commence à faire, hein. Et maintenant j'ai pris un peu de bouteille, je suis d'à peu 80 ans, ça ne me rajeunit pas, hein. Mais ce sont des souvenirs qui restent parce que c'était tellement important. Parce que quand on a pensé qu'à un moment donné, les historiens disaient que il était considéré ce coup-là comme un des plus grands hold-up de l'époque, c'était quand même pas rien. Mais on ne savait pas exactement. Ça avait été tellement rapide, on ne nous avait rien dit du tout. On était des exécutants, c'est tout. On exécutait, c'est tout. Tu t'es posé des questions sur l'argent, toi ? Non, rien du tout. On était en short et puis j'étais en maillot de peau. Ah, j'ai vu passer cette belle fortune devant moi, oui, je peux le dire. Mais sans savoir ce que c'était. Je l'ai su qu'après. Vous compte 2 180 000 000 de l'époque. C'était colossal, c'est colossal. 50 000 billets de 5 000, 1 400 000 billets de 1 000, 1 million de billets de 500, 1 200 000 billets de 100, 200 000 billets de 50 francs. Le gros lot, ce 26 juillet 1944, est de 2 280 millions. Il n'est pas proposé à la loterie, il doit juste aller de Périgueux à Bordeaux par le chemin de fer, qui n'est pas un jeu de hasard, mais un moyen de transport. Arrivée prévue à Bordeaux vers 8h30 du soir. On ne peut pas trop s'avancer sur les horaires, les voies sont en mauvais état. C'est la Banque de France qui affrète le fourgon. Quelques dizaines de soldats sans solde, mal nourris mais entraînés et déterminés, arraisonne sans violence le convoi à Neuvic-sur-l'Isle, Dordogne. La résistance réussit ce soir-là un casse historique. On parlait plutôt de prélèvement, de récupération, de réquisition. L'histoire, en juillet 44, allait beaucoup plus vite qu'un train d'intérêt local. Qu'est-ce que vous y avez vu dans l'affaire du train de Neuvic, Jacques Lagrange, qui vous a donné envie de la mettre à plat? À quelle époque? Parce que le 26 juillet 44, j'avais pas encore 10 ans, et j'ai vu un défilé de gens sur la route 89, à pied, et d'où viennent-ils? Ils viennent de Neuvic. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Le train a été arrêté, et les gens revenaient vers Périgueux à pied. Ça a été ma première évocation de Neuvic. Alors, la seconde vision que j'ai eue, c'est plusieurs années après la libération, où l'on évoquait ceux qui s'étaient enrichis. Il y a eu le coup de Neuvic, comme on disait, l'attaque du train d'or, disait-on alors, et ils ont récupéré quelques lingots. Alors, on montrait du doigt, en catimini, les gens qui auraient profité de cette manne providentielle. Et on disait, vous voyez, il a refait la devanture de sa boulangerie, c'est grâce au coup de Neuvic. Vous avez publié il y a quelques années, Dominique Richard, à Périgueux, chez Fanlac, un roman noir du Périgord. Et vous vous êtes penché sur l'histoire du train de Neuvic. Alors, je me suis penché sur l'histoire du train de Neuvic, tout simplement parce que moi, j'ai été journaliste en Dordogne pendant 12 ans. Et bon, je me suis aperçu que c'était une histoire dont tout le monde parlait. 40 ans après, tout le monde parlait de cette histoire. Ça revenait. C'est un classique. C'était un classique. Et puis surtout, c'était la phrase clé qui revenait dans certaines conversations quand on parlait de telle ou telle famille qui avait subitement fait fortune ou qui avait du bien et tout. On disait, ah ben, eux, ils ont, ça c'est le train de Neuvic. Ils ont bien profité du train de Neuvic. Ce qui est fascinant avant tout dans cette histoire, c'est le côté colossal de la somme. Le fantasme vient de là. Oui, c'est ça. Notre ami Gilbert Boissière, qui a conduit l'un des camions chargés de sacs, Gilbert Boissière aimait à dire « Je suis l'auteur du plus gros hold-up du siècle, y compris du train de Glasgow ». L'opération a lieu le 26 juillet 1944. Dominique Richard en gare de Neuvic-sur-l'Isle. Aujourd'hui Neuvic-Dordogne, la halte existe toujours. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau de la résistance en Dordogne dans ce milieu de l'année 44? La résistance, la Dordogne est une terre de résistance puisque c'est une terre qui a été assez rapidement résistante, qui a vu refluer beaucoup de gens venus de mouvements divers et de diverses origines, et qui a été quand même une résistance assez vivace, mais assez fragmentée et éclatée, et puis avec une séparation très nette, mais c'est pas propre à la Dordogne, entre la résistance non communiste et la résistance communiste, puisque le PC en Dordogne, un peu comme dans le département voisin du Lot-et-Garonne, s'était implanté très tôt. Périgueux a été une des premières villes communistes de France, grâce notamment à la présence des ateliers ferroviaires du Toulon. Mais le propre de la Dordogne, c'est qu'il y avait une culture ouvrière dans une ville comme Périgueux ou dans la vallée de la Dordogne, dans le Bergeracois. Il y avait un communisme rural qui a toujours subsisté, qui subsiste encore, ce qui fait que le PC avait quand même des forces vives très importantes. Roger Ranoux, vous étiez chef militaire FTP, sous le nom d'Hercule. Oui, à ce moment-là, oui. Vous avez été député communiste député communiste, oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette attaque du train de Neuvic où vous n'étiez pas? Oui, alors le train de Neuvik, moi je l'ai su. Sachant que les FTP avaient été écartés de l'affaire. Oh non, pas écarté de l'affaire directement. Vous savez, on était prêts, il y avait déjà un état-major FFI depuis le mois de juin, on avait un représentant à l'état-major FFI. Après tout ça, quelques 15 jours après, il y a eu un état-major départemental qui a regroupé toutes les forces. Non, on n'était pas écarté, on était... Mais bon, c'est l'armée secrète qui a organisé avec la complicité du préfet de l'époque. Alors, le préfet de l'époque s'appelait Callard. Jean Callard. Jean Callard. Il avait succédé à Popineau qui, au lendemain du débarquement, a foutu le camp de Périgueux, très vite. Hein, je crois que l'armée secrète lui avait envoyé un message en disant « on va s'occuper de vous ». Enfin, il a foutu le camp très vite. Et Callard, sous-préfet de Bergerac, est devenu préfet départemental. Mais Callard avait une histoire avant de venir à Périgueux, avant d'être préfet du département, en tant que sous-préfet de Bergerac. Et à mon avis, Callard a voulu se dédouaner un peu de cette situation. Hein, lui qui parce était que, un fonctionnaire zélé de Vichy. Voilà, c'est un fonctionnaire zélé de Vichy, mais prenant des garanties du côté de la résistance, un peu pour l'avenir, parce que à ce moment-là, vous savez, il y avait eu Stalingrad au début de l'année, il s'était passé beaucoup de choses. Hein. Bien, et voilà, enfin, il a fait prévenir le chef départemental FFI de l'époque, pour lui dire, voilà ce qui se passe, il y a le train, etc. Il y a eu une liaison, et tout ça s'est mis en route très vite. Normalement, Jacques Lagrange, quand on convoie 2 milliards de francs, on s'arrange pour que ça se fasse dans le plus grand secret. Et là, les maquis l'apprennent. Oui, non, mais c'est... Alors, d'où vient la fuite ? D'abord, le secret a été bien conservé pour les opérations précédentes. Hein, on n'a pas su, là, on est en juillet, le 24 juillet, mais il y avait une précédente opération en mai, personne ne l'a su. Il y en avait une autre précédemment également. Ça ne se fait pas. Je pense qu'il faut voir le contexte de l'époque, du 24 juillet. Le directeur de la Banque de France de Périgueux est inquiet des agressions et des hold-up qui sévissent dans le département auprès des recettes postales, auprès des perceptions, etc. Parce que les maquisards ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent pour manger, pour acheter du pain, pour acheter de la viande. On ne peut pas toujours voler ou emprunter. Et ils sont de plus en plus nombreux. À la légère. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc, il leur faut de l'argent. Bien, alors on cherche les moyens, on en parle. Alors le directeur de la Banque de France qui fait ce transfert-là, il se dit, si une information comme ça venait à transpirer, on risquerait gros, et mes hommes risqueraient gros pendant le transfert. Alors il faut peut-être que je prenne des dispositions. Et il va s'en entretenir avec le préfet, et dès qu'un secret de cette nature n'est plus qu'entre deux personnes, il est évident qu'il y a des fuites. Les uns prétendent que le préfet, souhaitant se dédouaner de quelques erreurs commises précédemment, ayant peur pour son intégrité, aurait fait savoir par un moyen détourné au maquisard ce qui se préparait, c'est-à-dire ce transfert d'argent. D'autres disent que c'est le commissaire des renseignements généraux qui, ayant été lui aussi informé et ayant ses entrées chez les maquisards, aurait fait passer l'information. Et puis, il y a une troisième hypothèse à laquelle je me rangerai plus vraisemblablement, c'est que la secrétaire particulière du préfet, Mademoiselle Négrier, qui est donc dans le bureau, là, à côté, et qui entend tout, qui sait tout, qui voit tout, l'oreille attentive, habite à Tur, un petit village proche de Périgueux, où son père entretient des liens, des rapports avec la résistance importante, et que, justement, ce soir du 22 juillet, lorsqu'elle se rend chez elle à bicyclette, il y a Martial Gaucher qui se dit « Je suis là, je suis responsable, je dispose d'une information, immédiatement je dois prendre les dispositions vis-à-vis de mes supérieurs et des troupes que je pourrais rassembler pour assurer cette opération. » Nous étions sous les bois, là, sous les châtaigniers, il faisait environ 45 degrés à l'ombre. Nous étions en maillot de corps, on était presque nus. Quand tout d'un coup, nos chefs arrivent, notamment moi, mon chef direct, le caporal Brèche, et se mettre en criant, vite, vite, prenez des armes et des munitions au camion. Si, il faut que ce soit dit. Dans le brouhaha du départ, où il y avait un enthousiasme, vous ne pouvez pas vous l'imaginer, ce que nous, les jeunes, on était contents de partir. On était contents, vous m'avez entendu. Dans le brouhaha, en sautant sur le camion et tout, ce n'est pas les chefs qui nous l'ont dit, mais le bruit courait, on va attaquer un train blindé, et si le coup réussit, vous aurez une grosse récompense. Si le coup... Ce n'est pas les chefs qui nous l'ont dit, c'était dans le brouhaha de l'embarquement sur le camion. Je vous ai amené une carte au 100 000e de l'IGN, Jean-Jacques Gillot, pour essayer de retracer le chemin des milliards de Neuvik. Comme ça, on a l'histoire et la géographie. Je crois que c'est Napoléon qui disait « L'histoire n'est rien sans la géographie ». Mais en l'occurrence, la carte que vous me présentez fait apparaître les premiers kilomètres de l'argent de Neuvik. Pour être essentiel, ces premiers kilomètres ne sont qu'une toute petite partie d'un long itinéraire, d'un fleuve qui ne sera pas toujours tranquille, qui pendant des années affecteront cet argent. Donc l'argent démarre de Périgueux par un train qui part sur le coup de 18h. Il n'y a guère que 30 km entre... Oui, c'est ça, il y a à peu près, c'est ça, il y a une trentaine de kilomètres. Et même à l'époque, la voie n'ayant pas été coupée ces jours-là, les horaires auraient dû être respectés. Jacques Lagrange, si le coup de Neuvik se passe aussi facilement, entre guillemets, c'est que la chance intervient, qu'il y a beaucoup d'audace chez les combattants qui mènent cette opération, et puis que fatalement, nécessairement, des complicités aident au déroulement de ce prélèvement. Oui, alors il y a plusieurs motifs à ça. Le premier, c'est à l'envergure extraordinaire du chef Maquisard, le lieutenant-colonel Martial dans la résistance, gaucher, qui est un militaire d'une grande trempe et qui sait organiser son opération. Et en plus, il dispose d'éléments intéressants et il sait choisir le lieu. La gare de Neuvik est située en dehors des grands centres ou des centres urbains habituellement construits autour d'une gare. Là, Neuvik est complètement allé en retrait. Le train est obligé de ralentir considérablement avant de rentrer dans la gare parce qu'il y a des travaux sur la voie. En plus, plusieurs routes principales partent en étoile de Neuvik et permettent toutes les évasions possibles. Alors, nous avons couru au camion. Je pense que sur le camion, le gros camion, je ne connais pas la marque, c'était le Berlier. Un gros camion qui avait des ridelles. Nous sommes sautés sur le camion, au moins une quinzaine. Une quinzaine. Et nous avons pris la route où ils ont bien voulu nous amener, qui a été à Neuvik. Nous ne savions pas où nous allions. Alors, à Neuvik, il y avait dû quand même y avoir une entente avec les chefs, enfin, une discussion avant, car arrivé à Neuvik, mon chef de groupe, le caporal Brèche, m'a dit, vite, vite, courez, suivez-moi par ici. Nous sommes allés prendre position avec le fusil mitrailleur sur le petit mur qui surplombe le sud de la gare de Neuvik. C'est-à-dire que nous étions en éventail sur ce mur avec le fusil mitrailleur, les fusils et le caporal Brèche avec sa mitraillette. Et le fusil mitrailleur avait au moins 10 chargeurs à sa disposition. C'est-à-dire il y avait 250 cartouches au moins au fusil mitrailleur. Et il y avait quelques grenades aussi. Et alors, nous étions au balcon. Et Jean Faucoulanche, lui, il était au travail, lui, au fond. C'est-à-dire que quand le train est arrivé en gare, toutes les armes étaient engagées. Toutes les armes avaient la cartouche engagée. Et on était tous. À vous battre, hein. Oui, on était tous à l'affût. Il n'y avait qu'à appuyer sur les gâchettes de tout le monde. Et sur ce promontoire-là, nous avons vu arriver le train, on a vu arriver la machine, le tender et le premier wagon. et par la suite un autre wagon, parce que notre champ de vision de cette position ne donnait que ce point de vue. Qu'est-ce que vous faisiez à la gare de Neuvic? Alors moi, j'avais passé un concours à la gare de Limoges là, pour entrer à la SNCF, j'avais été reçu et je faisais un stage. Alors j'étais élève à la gare de Neuvic sous les ordres du chef de gare pour apprendre mon métier. J'étais élève bureau qu'on appelait. Alors j'apprenais mon métier quoi. Alors si on me disait par exemple, eh bien, expédie le train, je l'expédiais. S'il fallait faire une manœuvre, je la faisais. Je faisais ce qu'on me disait. Puis j'étais souvent dans le bureau du chef de gare. Je recevais beaucoup de dépêches que je transmettais dans le sens Coutras et de Coutras dans le sens Périgueux. Il y avait beaucoup de dépêches de sécurité parce qu'il n'y avait aucun train qui passait sans que ce soit enregistré sur une dépêche de sécurité à l'époque. Oui. Et vous aviez quel âge en 44, Gilbert Duchaume? J'avais 17 ans et demi. J'étais un peu jeune. Ouais. Alors voilà comment ça s'est passé. J'étais parti le matin à la gare de Périgueux à 7h12 comme normalement. Et je partais au 1703, ça s'appelait le numéro du train, 1703. Et le fameux train des Millards, il s'appelait le numéro... Attendez, bougez pas, je vais vous le dire. Alors ce fameux train des Millards s'appelait le 1709. Quelque temps avant, la gare a été investie par les maquisards. Il y avait... Vous n'étiez au courant de rien? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Alors, ils ont investi la gare, et alors les chefs de l'expédition sont venus, revolver au poing, et puis ils se sont présentés au chef de gare, et puis ils ont dit, voilà, on vous réquisitionne, voilà, pour une opération. Ils attendaient le train des Millards. Alors, on attendait un train normal, l'omnibus voyageur qui devait arriver, mais qui finalement est arrivé avec le fourgon de tête bourré des Millards, bourré des Millards, qui a été considéré par la suite comme le plus grand hold-up de tous les temps. Mmh. Puisqu'il y avait à l'époque 2 milliards, 280 millions de francs. Mais regardez aujourd'hui ce que ça peut faire, hein, 2 milliards, 280 millions de l'époque, en 1944. Alors, ça courait, là, dans tous les sens, hein, vous m'avez entendu, hein. Avec leurs armes, ils couraient, et on sentait qu'il y avait un flottement. Il y avait un flottement parce qu'ils montaient sur les marchepieds des wagons, même des voyageurs, ils couraient, ils ne trouvaient pas. Alors, c'est par la suite qu'ils ont, je ne sais pas comment, qu'ils ont couru à ce fameux wagon, qu'ils ont sauté dedans. Il faut le dire, des soldats du groupe Roland qui sont sautés avec le chauffeur dans la machine, et ils l'ont obligé à conduire, ils ont détaché, et ils ont mené le wagon entre le sud de la gare et le petit bâtiment carré qui sert de dépôt de marchandises au sud de la gare. On était entre les deux, et Jean Foucoulange était en bas, et c'est là qu'ils ont fait descendre les policiers, ils leur ont déchargé les armes, ils ont tiré en l'air, on est bien d'accord. Ils leur ont remis leurs armes, hein. Ils ne les ont pas gardées, ils ont remis leurs armes, et alors là, le camion est arrivé, et ils se sont mis au boulot, eux. Cette opération, Jacques Lagrange, est magistrale d'une certaine manière, parce qu'elle se passe dans le calme, dans la sérénité, apparemment. Oui. Enfin, ce qu'on sait, c'est qu'aucun coup de feu n'est tiré, et que les choses se passent de manière militaire, certes, mais... Oui, c'est vrai qu'il faut noter... D'abord, elle a été organisée en très peu de temps. Ensuite, parce que, contrairement à ce que eux-mêmes, les maquisards, auraient pu envisager et ont envisagé, il n'y a pas d'Allemands dans le train d'Allemands armés, et que les policiers français qui accompagnent ce déplacement de la Banque de France, s'ils sont armés, n'en font pas usage, sauf un cas en gare de Neuvic, quand l'opération est en train de se dérouler, il y a un inspecteur de police qui tend son revolver au maquisard Sudair, lequel prend le revolver, tire dans le mur de la gare en disant « Tu vois, tu pourras au moins justifier que tu as donné deux coups de feu. » C'est une opération qui a été menée militairement de haut niveau. avec les moyens dont ils disposent, car vous savez, à cette époque-là, ils se plaignent encore d'avoir peu de choses. Quelques semaines auparavant, un SOS avait été envoyé à Londres, nous manquons de matériel militaire, nous manquons d'armes lourdes, etc. Ceci étant, ils ont miné les routes pour éviter les intrusions inattendues, ils ont mis quelques mortiers en batterie, ils ont mis quelques FM en batterie, mais les résistants qui parleront de cette affaire expliqueront qu'ils se sentaient quand même assez démunis et qu'ils ne brillaient pas particulièrement devant la situation. Si un détachement allemand était Exactement. Arrivé, les affrontements n'auraient pas forcément tourné à leur avantage. Tout à fait. Le moindre engin blindé, la moindre automitrailleuse aurait suffi à faire la différence. Donc tout n'est pas gagné. Alors, il a fallu détacher le fourgon de tête. Après, on a monté à la gare marchandises, on l'a mis à quai. Alors les gars ont déchargé, dans deux camions, ils ont déchargé les fameux sacs de finances. Alors, et moi j'étais au bureau, alors moi j'ai dit au chef d'expédition, qu'est-ce que je fais? Vous, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, moi, je passe des dépêches de sécurité d'une gare à l'autre. Bon, vous restez là. Et alors il m'a mis deux gars pour me garder, pour pas que je parle. Et donc il y en avait un, c'était un copain. Je prenais le train tous les matins avec lui, un nommé Jeannot Léger. Et alors, bon... Alors, tout se passait bien, voilà. Et puis, quand tout a été terminé, là, au moment donné, je leur ai dit, mais il faudrait nous réquisitionner, parce que par rapport aux Allemands, nous, on va être en porte-à-faux. On vous a aidé. Alors, il faudrait nous réquisitionner pour dire qu'on vous a aidé par force. Bon, viens vite, dépêchez-vous, on n'a pas le temps, parce qu'ils avaient peur que les Allemands arrivent, quoi, d'être dénoncés et tout ça. Alors, on va... Donnez-nous un papier, on va vous réquisitionner. On ne trouvait pas aucun papier nulle part. Alors, j'ai pris mon carnet de dépêche de sécurité, mais c'était une dépêche de sécurité numérotée. Les pages étaient numérotées, interdiction de couper une page. Alors, heureusement, j'ai trouvé la dernière page, qui était la page de garde, une page blanche. Alors, je l'ai coupé à la règle, et puis j'ai dit, voilà. Bon, alors, ils se sont assis au bureau, et puis le chef d'expédition, il a écrit. Alors, nous, les forces françaises de l'intérieur, avons réquisitionné le personnel de la gare de Neuvik en vue de l'opération, de telle opération. Et à ce moment-là, ils ont commencé le déchargement. Alors, Jean Faucoulenche a eu tous les sacs qui lui sont passés dans la main. Parce que le déchargement s'est fait à la chaîne. Il était un maillon de la chaîne et en avant sur le sac. Les sacs n'ont pas été arrangés. Les sacs ont été posés pêle-mêle, comme ils venaient. Et les sacs n'étaient pas de la même grosseur. C'est pas vrai. Il y avait des sacs qui pesaient le double ou le triple que d'autres. J'ai pensé par la suite, moi, que ce n'était pas la même qualité du billet, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des sacs qui avaient des billets qui étaient, enfin des billets de gros billets et d'autres de petits billets. Il y avait des sacs qui pesaient 30 kilos, il y en avait d'autres qui n'en pesaient pas 15. Et vous saviez que c'était des billets? Ah ben bien sûr, Banque de France, c'était écrit gros comme ça en travers sur les sacs. Sur chaque étiquette, il y avait la somme, il y avait le nombre de billets et la somme qu'il y avait dans chaque sac. Ouais. Il y avait une étiquette à chaque sac. C'est énorme. On vient de transférer 150 sacs. 2,280 milliards, c'est l'équivalent de 2,280 milliards de francs avant notre changement à l'euro. Vous voyez, donc c'est 228 milliards de centimes. C'est une somme assez rondelette, assez importante, surtout pour une époque où un gros salaire est de 1000 francs. C'était Neuvik, 58 minutes d'arrêt. Premier épisode, le casse du siècle. Avec Jean Boussary, Gilbert Duchose, Jean Faucoulenche, Jean-Jacques Gillot, Jacques Lagrange, Roger Anoux, Dominique Richard. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Prise de son, François Rivalan. Une histoire particulière, Anne-Laure Chanel, Yvon Croisier, Olivier Chaumel. La suite du documentaire sur les milliards du train de Neuvik, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.